notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi qui t'es plaint ces derniers temps en disant que Dieu t'a abandonné, pourquoi il y a une succession d'événements toujours malheureux? Regarde dans ta vie. Tu es retourné dans le monde, c'est toi qui as abandonné l'Éternel. Dieu est en train de te corriger afin que tu reviennes à lui. Repends-toi et tu vas voir la manifestation pleine de la gloire de Dieu dans ta vie. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Une demi-heure dans la présence de Dieu. Notre texte du jour, c'est Romains chapitre 13, versets 8 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons donc Romains 13, 8 à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. Et ce sont ces vérités qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. La première vérité, c'est le devoir de l'amour envers les autres. Vous voyez ici, l'apôtre Paul dit au verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » En d'autres termes, il veut dire, le vrai devoir, c'est le devoir de l'amour. Ce n'est pas bon d'avoir des dettes, hein? Toi qui as toujours des dettes, hein, tu es très endetté, tu dois à celui-ci l'argent, tu dois à celui-là, telle autre chose. La vraie dette, c'est la dette de l'amour. On dit. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et en d'autres termes, nous avons le devoir de manifester l'amour vis-à-vis des autres. Regarde, il y a une sœur qui a accouché. Ça fait longtemps. Tu ne l'as pas visité. Tu vois, lorsque quelqu'un vient d'accoucher, par exemple, c'est un événement joyeux, un événement bienheureux, un événement qui devrait pousser toute l'église à se réjouir. Tu as le devoir d'aller lui rendre visite. Est-ce que tu comprends? Lorsque, par exemple, un frère est malade, hospitalisé, il a fait un accident, tu as le devoir d'aller lui rendre visite pour le réconforter. C'est aussi l'expression d'amour, vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc nous avons ce devoir en tant que chrétiens. Jésus pouvait dire, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Deuxième vérité, l'amour est le résumé de tous les commandements de Dieu. Vous voyez ? Il est dit ici, au verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En réalité, si aujourd'hui il y a des braqueurs, des voleurs, des gens qui commettent l'adultère, qui convoitent les biens d'autrui, qui convoitent les femmes d'autrui, les maris d'autrui, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Lorsque j'ai l'amour vis-à-vis de mon prochain, je ne peux pas aller voler. Je vais parler à un jeune, regarde bien. Tu as volé le téléphone portable de quelqu'un. Est-ce que tu sais le mal que tu as fait à la personne? Toutes les adresses sont là. Tu lui as fait beaucoup du mal. Remets ce téléphone portable, toi qui m'entends maintenant. Je vais parler à une jeune fille. Toi qui sors, regarde. Tu as à peine 25 ans, tu sors avec un mari d'autrui. Le mari et cet homme te donnent l'argent. Cet homme paye ta maison, cet homme te donne chaque mois l'argent qu'il ne donne même pas à sa femme et à ses enfants. Est-ce que tu sais le mal que tu es en train de faire à cette famille-là? Si tu as de l'amour, tu ne peux pas faire cela. Tu dois te mettre à la place de la femme. Si c'était ton mari, est-ce que tu accepterais cela? Mais toi, tu te plais, tu vois. Tu fais du mal à une femme. Tu prives cette femme de son mari. Tu fais du mal même à ses enfants. Vous voyez, tous ceux qui se comportent ainsi manquent d'amour. C'est pourquoi il est dit ici, tous les commandements se résument en un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de problèmes que nous avons, c'est parce que nous manquons d'amour. Il est dit au verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Tu ne peux pas chercher à faire à quelqu'un ce que toi-même, tu ne voudrais pas qu'on te fasse. L'amour ne fait pas du mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent le temps de critiquer. Hein? Je parle à toi, mon ami. Tout le temps, tu ne fais que critiquer les autres. Celui-là, il est mauvais. Celui-là, il est mauvais. Même lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour toi-même. C'est en fonction des autres. Quand le pasteur prêche, tu dis, il fallait qu'il soit là. Je parle à toi, ma soeur, toi qui parles toujours de ton mari. Mon mari, vraiment, il est le diable. Mais quand tu vas au culte là, la parole qu'on prêche n'est pas pour ton mari, c'est pour toi-même. Quelqu'un a dit, la parole de Dieu, c'est un miroir et non un rétroviseur. Vous voyez? Le rétroviseur est là pour voir la position des autres. Mais ce n'est pas comme cela que la Bible doit agir. La Bible est la parole de Dieu, le miroir. C'est-à-dire, quand moi-même je me regarde là, je regarde mes défauts, si je n'ai pas bien peigné les cheveux, s'il y a une tache. C'est comme ça que la parole de Dieu devrait être considérée. Lorsque j'entends la parole, ce n'est pas pour critiquer les autres, ce n'est pas pour dire, en tout cas, tout ce qu'on a prêché, c'est telle personne qui le fait. L'amour ne fait point du mal au prochain. Cesse de critiquer, cesse de vilipender, cesse de diffamer les autres. Troisième vérité, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans un temps de sommeil spirituel. Je vais parler à quelqu'un, tu n'arrives même plus à bien prier. Tu n'arrives même plus à jeûner. Tu as même le dégoût d'aller au culte. Ça fait combien de dimanches tu ne vas pas à l'église? Je parle à toi, mon ami. La vie que tu mènes là n'est plus normale. Tu ne vois pas que tu vis un temps de sommeil spirituel. Et il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent un temps de sommeil spirituel. Vous voyez? Il est dit au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il faut te réveiller de ton sommeil spirituel. Alors comment se réveiller? Il y a des choses que tu dois faire. La première chose, il faut te dépouiller des œuvres des ténèbres et te revêtir des armes de lumière. Le verset 12 dit, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. » Les œuvres des ténèbres, c'est quoi? Ce sont des péchés. Les péchés de calomnie, des péchés de critique, des péchés de murmure, le péché de convoitise, d'immoralité. Je vais parler à un jeune, regarde. Toi, tu utilises aujourd'hui Facebook, c'est pour regarder des choses macabres, des scènes pornographiques que tu regardes à l'internet. Ce sont ces choses-là qui créent en toi le sommeil spirituel. Tu dois te dépouiller de ces choses-là. Il dit aussi au verset 13, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Vous voyez, ce sont ces choses-là qui créent le sommeil spirituel. L'ivrognerie, mon ami. Toi qui dis, « Moi, je prends seulement un verre d'alcool. » Tu vois, quand tu prends un petit verre là, c'est à ce moment-là que tu vas prendre maintenant, tu vas commencer par un quart, et puis la moitié, et puis tu vas prendre les quatre quarts, tu vois. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Regarde comment tu es tombé. Tu as trompé ta femme. C'est moi-même là. Tu as trompé ta femme deux fois. Pourquoi? Parce que tu aimes l'alcool. Ça te produit quoi? Hein? Tu ne vois pas que ça t'éloigne de Dieu chaque fois que tu bois. Tu dépenses l'argent dans des futilités. Et ça t'éloigne de Dieu. Ce sont ces choses-là qui t'endorment. L'impudicité, des querelles, des jalousies. Regarde, chaque fois, tu fais des palabres avec ton épouse. Et tu as même porté de la main sur ta femme. Tu n'as pas honte. Toi qui es chrétien, tu es même engagé, tu es responsable à l'église. La nuit, tu tabasses ta femme. Verset 14 dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vous voyez, il ne faut pas te laisser entraîner par les convoitises de la chair. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais tu devrais te laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, réveillons-nous de ce sommet spirituel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Les cieux la gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Glory. gloire au Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Bénis l'Éternel. Élève ta voix pour le louer, pour le glorifier. Lui qui t'a gardé toute la nuit d'aujourd'hui. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Romains 13, 8 à 14. Nous sommes à l'émission OSB. OSB, c'est acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions pendant une demi-heure chaque 5 heures du matin. Mais cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir ici que les devoirs que Dieu nous recommande, c'est de nous aimer les uns les autres. Tu vas prier le Seigneur pour que cette semaine, Dieu te donne l'occasion de manifester l'amour à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est dans les besoins matériels, financiers. Quelqu'un qui est malade. Peut-être quelqu'un qui a perdu un être cher. Peut-être un enfant qui est orphelin, qui est démuni. Oui, prie le Seigneur pour qu'il te donne de manifester l'amour envers une personne qui en a besoin. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Dieu de mon salut, jour et nuit, je crie devant toi, que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Ce matin, ô Père éternel, je me tourne vers toi et je prie pour la manifestation de l'amour dans la vie des frères et des sœurs qui ont perdu un être cher. Je demande au Père éternel que cette compassion, cet esprit de compassion soit dans le cœur des uns et des autres. Je prie ce matin au Père éternel dans le nom de Jésus-Christ et je demande que tu touches le cœur de ceux qui ont perdu un être cher, des orphelins, des orphelines, des veufs, des veuves, des séparés, des divorcés, ceux qui sont affligés, ceux qui sont démunis, ceux qui souffrent, ceux qui se retrouvent en prison. Je prie au Père éternel dans le nom de Jésus-Christ pour la manifestation de l'amour dans leur vie. Je prie au Père éternel que cet esprit de compassion soit dans le cœur des frères dans le Seigneur, des sœurs dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais prisonnier, vous m'avez rendu visite. Jésus a explicitement fait savoir que chaque fois que nous rendons visite à quelqu'un dans le besoin, nous le faisons pour lui-même, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie pour la manifestation de l'amour dans la vie de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont marginalisés dans la société, pour l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir également que l'amour, c'est le commencement. L'amour, c'est le résumé de tous les commandements. Quand j'aime, je ne peux pas convoiter. Quand j'aime, je ne peux pas détourner le mari d'autrui. Quand j'aime, je ne dois pas calomnier quelqu'un. Nous allons prier pour que réellement, dans nos vies, dans nos églises, l'amour vrai puisse nous caractériser. Et que même dans notre société aujourd'hui, au niveau de nos nations, de l'église, que l'amour vrai puisse nous caractériser et que nous ne voyons plus ces choses que nous voyons, des divisions, des critiques, des calomnies. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis. C'est le péché qui fait que nous soyons endormis. Nous sommes endormis dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans les excès de table. Oh, tu vas prier le Seigneur. Demande-lui pardon. Dis au Seigneur, réveille-moi Seigneur. Je veux quitter le sommeil spirituel. Je veux encore revenir dans ta présence. Si tu as abandonné le Seigneur, tu as abandonné même l'église, reviens au Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans un moment de sommeil spirituel, afin qu'ils se réveillent dans la puissance du Saint-Esprit, qu'ils abandonnent leurs mauvaises voies et reviennent au Seigneur. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Nous voulons rappeler que demain dimanche, nous aurons notre réunion bonheur conjugal pour les célibataires. Nous aurons deux services. Le premier service à 16h, l'autre à 18h. Le thème, vous le savez, une main puissante le forcera à te laisser entrer dans le mariage. Viens, ne rate pas cette rencontre parce que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Et nous allons passer du temps de prière pour briser ce pharaon qui retient les chrétiens, qui ne veut pas les laisser entrer dans le mariage. Nous allons prier pour que la main puissante de Dieu puisse lâcher prise. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.